Section 12 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 12. La fille de l'ivrogne. Demeurée seule avec Grand-Pierre, Marion se couvrit précipitamment d'un chétif mantelet de laine, son meilleur vêtement pour l'hiver comme pour l'été. Puis, elle alla chercher dans un vieux coffre le gros surtout de son père, supposant avec raison que l'ivrogne, transi de froid, pourrait en avoir besoin. Le domestique debout, près de la porte, appuyé sur son fusil, la regardait avec impatience. « Ah, ça, tonnerre! En finirons-nous ? » demanda-t-il brutalement en frappant du pied. « Allez-vous me retenir ici jusqu'à demain, la belle ? À tous les diables, la commission ! N'était-ce pas plutôt la besogne de Jérôme d'aller relever son ivrogne de chef que la mienne ? À moi, qui suis valet de pied au château et qui porte la livrée ? Mais les vilaines corvées ne me manquent jamais !» Marion s'interrompit au milieu de ses préparatifs. Elle dit avec un mélange de tristesse et d'humiliation « Si vous avez tant de répugnance à m'accompagner, monsieur Grand-Pierre, laissez-moi, j'irai seule. Il vous est encore facile de rejoindre mademoiselle. Vous lui direz que je vous ai renvoyé, que vos services ne m'étaient pas nécessaires, et je vous jure que jamais un mot de plainte contre vous ne sortira de ma bouche. Allons, allons, ne perdons pas de temps. J'ai reçu un ordre, il faut que je l'exécute. Mais a-t-on idée d'un guignon pareil ? Sur pied, toute la journée à cause de cette infernale battue, trempé jusqu'aux os, je meurs de faim et de fatigue. Et maintenant, il faut que je coure les bois à la recherche d'un chien d'ivrogne, en compagnie d'une princesse à jambes nues et à jupons troués. Pendant ce temps-là, les autres, au château, vont se donner les airs d'avoir sauvé mademoiselle de Barjac d'un grand danger. Ils auront quelques écus dans leurs pochettes. Ils recevront les compliments de sœur Magloire, du chevalier, et qui sait, peut-être du père prieur lui-même. Pour moi, qui diable s'inquiétera demain matin de savoir comment j'aurai passé la nuit? Mais le vin est tiré, il faut le boire. Voyons, la fille, êtes-vous prête enfin? Me voici, monsieur Grand-Pierre, dit Marion avec douceur. Elle portait sous un de ses bras le surtout de son père. L'autre bras était passé dans l'anse d'un petit panier qui contenait des linges, de la charpie et les objets nécessaires pour panser des contusions ou des blessures. La malheureuse enfant savait par expérience que ces précautions, sans doute, ne lui seraient pas inutiles. Quant à elle, elle n'avait rien ajouté à sa toilette que le petit mantelet qui lui couvrait la tête et encadrait sa figure amaigrie. Marion laissa la chandelle allumée afin de retrouver de la lumière quand elle rentrerait avec son père. Puis, elle ferma la porte au loquet et quitta la loge avec son compagnon, qui grommelait toujours entre ses dents. La nuit était sombre au dehors. La pluie et le tonnerre avaient cessé, mais des éclairs brillaient encore dans le lointain. Du reste, une lueur vague venue du ciel permettait de se conduire, du moins tant que l'on ne s'engagerait pas sous le couvert des arbres. Un calme majestueux régnait maintenant dans la campagne. On n'entendait plus que les faibles soupirs de la brise dans les profondeurs de la forêt, les gouttes isolées qui tombaient encore du feuillage des châtaigniers, les torrents d'eau pluviale qui achevaient de s'écouler au fond des ravins. La petite et Grand-Pierre marchaient côte à côte, sans se parler. Ils avaient pris un sentier en mauvais état qui traversait une lande. À chaque instant, des flaques d'eau jaunâtre et dormante interceptaient le passage. Marion, avec ses pieds et jambes nues, ne s'en inquiétait pas. Mais Grand-Pierre, obligé de faire sans cesse des détours, redoublait de malédictions. La pauvre Marion ne répondait plus. Elle se contentait de soupirer tout bas. Parfois, elle voulait engager de nouveau son guide à retourner seule au château. Mais en voyant la solitude effrayante des lieux qu'elle traversait, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner, et les paroles expiraient sur ses lèvres. On atteignit ainsi l'endroit où devait se trouver Fargeau. C'était une espèce de buisson, situé à quelques pas du chemin. Çà et là, s'élevaient des rochers de basalte superposés d'une manière bizarre. Arbres, ronces et blocs de pierre se confondaient dans les ténèbres. Grand-Pierre avait peine à s'orienter sur ce terrain tourmenté. Il errait en maugréant au milieu des halliers et ne pouvait retrouver l'endroit où l'on avait déposé l'ivrogne. En désespoir de cause, il appela de toutes ses forces. Il ne reçut aucune réponse. « Bon Dieu !» dit Marion avec terreur. « Lui serait-il arrivé quelque accident ?»« Bah !» répliqua durement Grand-Pierre. « Il n'arrive pas d'accident au gaillard de cette trempe. Nous le retrouverons. Allez !» Il est sans doute endormi dans sa bauge, comme un sanglier repu de gland nouveau. Et tenez, justement, je commence à me reconnaître. Venez de ce côté. » Il se dirigea vers deux rochers de forme, à peu près pyramidales, que l'obscurité l'avait d'abord empêché d'apercevoir, bien que leur disposition fût remarquable. Ces rochers se réunissaient par le sommet, tandis que leur base, s'écartant l'une de l'autre, laissait entre elles un espace de plusieurs pieds. C'était dans cette sorte de couloir souterrain qu'on avait porté le garde général. Sûr de son fait, Grand-Pierre se pencha vers l'orifice du trou et dit à voix haute, sans beaucoup de cérémonie, « Eh, père Fargeau, debout, c'est assez dormir. Debout, vous dis-je, voici votre fille qui vient vous chercher pour vous ramener à la loge. « Oui, oui, père, c'est moi, » dit Marion à son tour. « De grâce, levez-vous. Vous devez être bien mal ici. Allons, venez, et n'abusons pas davantage de la complaisance de Monsieur Grand-Pierre. » Un grognement sortit de la cavité du rocher. « Sainte Vierge, Monsieur Grand-Pierre, » demanda Marion, de plus en plus alarmée, ne vous semble-t-il pas qu'il souffre, qu'il se plaint? Il est ivre et il dort comme une souche. Ah, ça, Pierre Fargeau, poursuivit le domestique avec colère. Faut-il vous enfumer pour vous décider à quitter votre tanière? Levez-vous, de par le diable, et venez cuver votre vin au logis. Tout en parlant, il secouait vigoureusement le dormeur. Celui-ci parut enfin avoir entendu ses appels réitérés. Il s'agita paresseusement sur son lit de cailloux. « Du vin, oui, oui, camarade Planchon, » répliqua-t-il d'une voix entrecoupée, qui trahissait une ivresse encore complète. « Verse-moi du vin, mais ne me fais pas jaser. Les affaires de ces grands personnages ne regardent que moi. Du vin, morbleu. Et en récompense, tu auras une petite chanson. » Et l'ivrogne chanta péniblement ce vieux refrain protestant. Le frère buvait comme quatre, mais le prieur comme dix. Il ne s'agit pas de cela, interrompit Grand-Pierre en le secouant de nouveau. Debout, et venez avec nous au plus vite. Vous n'êtes plus à Cransac, dans le cabaret de Planchon le braconnier, mais dans les rochers fêlés, et votre fille vous attend pour vous ramener à la loge. « La loge, ma fille, » répéta l'ivrogne, qui sans comprendre le sens de ce qu'on lui disait, était pourtant frappé de certaines expressions. « Je ne veux plus retourner à la loge. Je m'y ennuie trop. Quant à Marion, elle aura une dot. Oui, une dot. Et comme elle est bonne fille, elle me laissera dépenser gaiement l'argent. Mais, Qu'est-ce qui la payera, cette dot ? Le prieur est un ladre, et il n'a pas voulu mordre à l'hameçon. Mais il lui en cuira. Je conterai l'affaire au gentilhomme, et le gentilhomme donnera du fil à retordre au coquin de Frocard. Le frère buvait comme quatre, mais le prieur comme dix. Le valet, furieux de tous ses retards, allait peut-être maltraiter cette créature dégradée. Marion l'en empêcha. « Je vous en supplie, monsieur Grandpierre, dit-elle, ne lui faites pas de mal. Laissez-moi plutôt lui parler. Il reconnaîtra ma voix et peut-être finira-t-il par nous comprendre. » Le valet se retira un peu à l'écart. Marion, se penchant à son tour vers l'ouverture du rocher, reprit d'un ton caressant. « Eh bien, cher père, n'est-il pas temps de rentrer chez nous ? J'ai bien des choses à vous conter. Allez !» Pendant votre absence, mademoiselle de Barjac est venue à la loge et il lui est arrivé des aventures qui vous étonneront. Mais tout a bien fini et mademoiselle a été bonne pour moi et elle m'a commandé d'aller demain au château et elle m'a promis que nous serions tous heureux. En voilà des nouvelles, j'espère. Mais ne voulez-vous pas venir avec moi ? Je vous conterai cela, chemin faisant. » Elle attendit la réponse. Ce fut seulement après un moment de réflexion que l'on répondit avec rudesse. « La Marion, comment a-t-elle pu savoir que j'étais ici ? Coquine, fainéante, que demandes-tu ? Ne t'ai-je pas défendu de me déranger quand j'étais à Cransac, chez mon ami Planchon ? Je suis mon maître, peut-être. Tourne-moi les talons bien vite. Je veux passer la nuit à chanter et à boire. » Le frère buvait comme quatre, mais le prieur. Le reste de la chanson ne fut qu'un bégaiement inintelligible et l'ivrogne se rendormit. Alors, la colère de Grandpierre ne connut plus de bornes. « À tous les diables, le père et la fille » s'écria-t-il. « Ce misérable sac à vin ne sera pas en état de marcher avant demain matin. Quelle jolie nuit nous allons passer là !»« Les pieds dans l'eau, le ventre creux, trempé jusqu'aux os sous ce vent glacial. »« Monsieur Grandpierre, dit Marion humblement, pourquoi n'essayerons-nous pas de porter mon père jusqu'à la maison ? Je suis forte, allez, plus forte que vous ne pensez. Eussiez-vous la force de quatre hommes ? Nous ne parviendrions jamais à transporter cette énorme masse à la loge. Tout ce que nous avons pu faire ce soir, Jérôme et moi, a été de la traîner depuis le chemin jusqu'à cette roche, et il y a 30 pas à peine. Ce n'est pas un chrétien, mais un tonneau, et un tonneau plein encore. « Eh bien, monsieur Grandpierre, répliqua la pauvre fille en pleurant, mais d'un ton résolu, puisqu'il en est ainsi, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Partez, laissez-moi seule ici. C'est mon devoir de veiller sur mon père, d'attendre jusqu'à demain, s'il le faut, qu'il soit en état de me suivre. Quant à vous, monsieur Grandpierre, on ne saurait vous demander davantage. Retournez donc au château. Je rendrai témoignage de vos bons offices et je vous en remercie de tout mon cœur. » Elle s'assit sur une pierre d'un air de résignation et posa son petit panier à côté d'elle. Grandpierre était plus emporté que méchant. Il fut touché du dévouement de Marion. « Je ne peux pourtant vous quitter ainsi, dit-il avec anxiété. « Dieu me protégera peut-être, soupira Marion, en s'enveloppant dans son mantelet, qui la défendait mal contre la fraîcheur de la brise nocturne. Grandpierre réfléchit. « Je ne vois qu'un moyen, dit-il enfin. « Quel est-il, monsieur Grandpierre ? Ce serait d'aller chercher du secours au village de Cransac. Une demi-heure doit suffire pour s'y rendre. Nous irions chez le cabaretier Planchon, ce digne ami de votre père, et nous le déciderions bien, d'une manière ou d'une autre, à nous accompagner pour rendre service à sa meilleure pratique. Planchon a un âne vigoureux que nous amènerons avec nous. À nous trois, nous parviendrons bien à hisser notre ivrogne sur le dos de la bête, et alors le trajet jusqu'à la loge ne sera plus qu'une bagatelle. Eh bien, petite, que dites-vous de mon plan ? Il est excellent en tout point. Et vous, monsieur Grandpierre, vous êtes un digne homme. Seulement, je vous prierai d'aller sans moi chercher du secours à Grand-Sac pendant que je resterai près de mon père. Je ne saurais m'éloigner de lui quand il est incapable de toute défense. Ma conscience et ma pauvre mère, qui est au ciel, me reprocheraient cet abandon, et Dieu m'en punirait peut-être. Quoi donc, Marion ? Est-il nécessaire que vous demeuriez seule dans ce vilain endroit pendant mon absence ? Songez à la méchante bête qui court le pays. Quel besoin Fargeau a-t-il de vous ? Il dort paisiblement, et nous pouvons être assurés qu'il ne bougera pas. Monsieur Grandpierre, mon parti est pris. Je ne quitterai pas mon père en ce moment. Partez donc au plus vite. Vous nous retrouverez sains et saufs, comme vous nous aurez laissés. » Grandpierre insista de nouveau pour que la jeune fille l'accompagnât à Grand-Sac, mais elle demeura inébranlable. Le temps pressait, et peut-être l'impatience d'en finir aveugla-t-elle le domestique sur les dangers de sa condescendance. Toujours est-il qu'il consentit à partir seul, et après avoir donné quelques encouragements à Marion, lui avoir promis de faire la plus grande diligence, il gagna le chemin qui conduisait au village. À peine s'était-il éloigné de quelques pas que la pauvre Marion voulut le rappeler, mais elle rougit de sa faiblesse et cacha sa tête sous sa mante pour résister à la tentation. Un long espace de temps s'écoula et Grandpierre ne revenait pas. Marion, assise sur la pierre humide, n'osait ni se remuer, ni même reprendre haleine. Le moindre bruit, une feuille sèche qui se détachait d'un châtaignier, le frémissement du vent dans les buissons, le bourdonnement des insectes nocturnes, la faisaient tressaillir. Mais bientôt, elle s'efforçait de se rassurer et se mettait pour occuper sa pensée à écouter la respiration sifflante et oppressée de son père endormi. Deux ou trois fois, pourtant, ses alarmes semblèrent avoir des motifs plus sérieux. Elle croyait entendre des pas furtifs, des craquements étranges dans les taillis voisins, ou bien des gémissements, faibles comme des soupirs, s'élevaient du sein des ténèbres. Elle devenait tremblante, ses cheveux se dressaient sur sa tête, elle ouvrait la bouche pour crier. Puis, elle s'apercevait que la cause de sa terreur était un innocent chevreuil qui allait au gagnage, ou bien un cerf timide qui soufflait en rongeant l'écorce tendre des arbrisseaux. Marion n'avait aucun moyen de mesurer le temps, mais il lui semblait que l'heure demandée par Grandpierre pour aller au village et en revenir était passée de beaucoup. La force et le courage manquait à la pauvre fille. Cet état violent, ses angoisses continuelles, l'avaient épuisée. Elle grelottait sous ses vêtements légers. Ses pieds nus étaient glacés, et peu à peu, le froid lui remontait jusqu'au cœur. Une sorte d'engourdissement s'emparait d'elle, et cet engourdissement, qui saisissait à la fois le corps et la pensée, tenait plus encore de la mort que du sommeil. Cependant, il vint un moment où le sang reflua vers son cœur, où ses artères battirent de nouveau à se rompre. Tandis que Marion épiait le silence de la campagne, des pas précipités, qui n'avaient plus la légèreté capricieuse des pas des bêtes fauves, se firent entendre successivement dans différentes parties du bois, en se rapprochant toujours. Marion retournait fiévreusement la tête à droite et à gauche pour chercher à distinguer l'être mystérieux qui rôdait ainsi autour d'elle. Mais rien ne se détachait dans la sombre uniformité de la nuit. Et quand son attention était fixée sur un point, le bruit partait d'un point opposé. Tout à coup, le doute horrible qu'elle éprouvait déjà devint une certitude. À moins de 20 pas d'elle, brillaient dans l'ombre deux yeux, deux charbons ardents, immobiles, qui dardaient une flamme dévorante. Elle ne pouvait plus s'y tromper. Cet ennemi qui multipliait ses circuits autour d'elle, qui la guettait comme une proie, c'était la bête du Gévaudan. Marion s'était levée par un mouvement convulsif. Bien que les flammes se fussent éteintes presque aussitôt, elle savait que sa perte n'était pas moins sûre et prochaine s'il ne lui arrivait du secours. Folle d'épouvante, elle se pencha vers l'excavation du rocher où dormait Fargeau et s'écria énergiquement « À moi, mon père, à moi, c'est la bête du Gévaudan. Par pitié, éveillez-vous, parlez, qu'elle entende seulement votre voix, et peut-être se décidera-t-elle à fuir. Mon père, mon bon père, venez à mon aide. » Un bâillement étouffé, semblable à celui d'une personne qui s'éveille avec effort, répondit seul à cet appel. Mais Marion ne se découragea pas. Il se faisait dans les broussailles un piétinement continuel. Elle saisit son père par la jambe et le secoua de toute sa force en s'écriant avec désespoir. « À moi, père, je vous en supplie. Réveillez-vous donc, ou nous allons périr tous les deux. Venez à mon aide, mon Dieu, car je ne veux pas mourir maintenant. On m'a promis que je serai heureuse, que je ne pleurerai plus. Mademoiselle me rendra riche, et je quitterai la loge où j'ai tant souffert toute seule. Et j'épouserai le fils à Jean Godard, que j'aime depuis longtemps. Non, je ne veux pas mourir. Mon père, je vous en supplie. Amon. » On n'entendit plus que des sons inarticulés. L'ivrogne reçut une secousse puissante, et malgré son énorme poids, il fut tiré à moitié du creux du rocher où il était couché. Soit que ce mouvement brusque l'eût réveillé, soit que les cris déchirants de sa fille eussent fait vibrer à son insu la fibre paternelle, engourdie par la débauche, il s'agita péniblement. Mais bientôt, comme il ne se sentait plus secoué avec une vigueur importune, comme il n'entendait plus que des soupirs et de faibles craquements à quelques pas de lui, il se contenta de se retourner en fredonnant son refrain favori. Le frère buvait comme 4, mais le prieur comme 10. Puis, il se rendormit. À ses sonores ronflements, un ricanement lugubre répondit dans les buissons voisins. Fin de la section 12, lue par Margot.